pays. Toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. C'est pour cela que je suis resté à chanter pour toi, à danser pour toi. Toi, mon cher pays, je suis fier de toi. Toi, mon cher pays, toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. C'est pour cela que je suis resté à chanter pour toi, à danser pour toi. Toi, mon cher pays, je suis fier de toi. Tu n'as pas fait de moi un homme riche, mais tu as fait de mon nom une cloche qui sonne dans les oreilles et le cœur de chacun et de tous ici comme ailleurs. Toi, mon cher pays, toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. C'est pour cela que rester à chanter pour toi, à danser pour toi. Toi, mon cher pays, je suis fier de toi. Je suis fier de rester et voir revenir tous tes fils, mains dans la main, pour te bâtir avec moi sous les couleurs du drapeau. Ce vert espoir du renouveau, ce jaune signe de fécondité, et ce rouge du courage qui coule dans les veines des Béninois et qui a fait toute la force de nos aïeux. Toi, mon cher pays, toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. C'est pour cela que je suis resté à chanter pour toi, à danser pour toi. Toi, mon cher pays, je suis fier de toi. Toi, mon cher pays, toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. C'est pour cela que je suis resté à chanter pour toi, à danser pour toi. Toi, mon cher pays, je suis fier de toi.